L'assassinat dans le parc du Régent par Emma Orczy. Chapitre 1er. J'étais maintenant habitué à mon extraordinaire vis-à-vis dans le coin du restaurant. Il se trouvait toujours là quand j'arrivais, mince et long dans son complet à carreaux. Rarement me disait-il bonjour. Il prenait en silence un léger repas exclusivement végétarien, puis il sortait un morceau de ficelle de sa poche et, la tenant tout près de ses yeux myopes, il commençait à y fignoler de beaux nœuds. « Le crime du parc du Régent vous a-t-il intéressé ?» me demanda-t-il un jour, soudain. « Les détails de cette affaire ne sont plus très présents à ma mémoire, mais je me rappelle l'émotion qu'elle causa, » répondis-je. « Surtout dans le monde des courses et des cercles où l'on joue gros jeu, » compléta le fantoche. « Tous ceux qui, directement ou indirectement, y furent mêlés, faisaient de fortes différences. » Dans divers grands clubs. C'est de là que vint tout le scandale. Vous connaissez, n'est-ce pas, le tranquille square qui s'étend entre la place de Portland et le parc du Régent, et que l'on nomme le croissant du parc à son extrémité sud, et des deux autres côtés, square du parc est et square du parc ouest. La large et très fréquentée avenue de Marylebone sépare en deux parties ce morceau de campagne égaré dans Londres. Les deux tronçons du square sont réunis par un passage souterrain qui passe sous la route. Le 6 février 1899, la nuit fut extrêmement brumeuse. Néanmoins, M. Aaron Cohen, domicilié 30 Park Square West, après avoir empoché les gros bénéfices qu'il venait de faire sous le tapis vert du Harewood Club, se mit pourtant en chemin, seul, pour entrer chez lui. Il était alors 2 heures du matin. Une heure plus tard, tous les habitants du square du parc ouest furent réveillés par le bruit d'une violente altercation sur le boulevard. Ils entendirent des exclamations furieuses et des injures pendant quelques instants. Puis des cris frénétiques « Au secours, à l'assassin !» éclatèrent. De violentes détonations soudain retentirent et le silence reprit. Vous savez peut-être par expérience combien il est difficile de discerner d'où vient un son lorsqu'on se trouve dans le brouillard. Et le brouillard de cette nuit-là était, je l'ai déjà dit, extrêmement épais. Pourtant, il ne se passa pas plus d'une minute ou deux avant que le policeman F-18, de faction au coin du boulevard, parvint à l'endroit supposé du meurtre. Après avoir sifflé pour appeler ceux de ses collègues qui pouvaient se trouver dans le voisinage, il essaya de retrouver l'homme qui avait appelé au secours. Les habitants, penchés à leurs fenêtres, l'embrouillaient avec leurs renseignements contradictoires. « Près de la grille, agent. Plus haut, sur le boulevard. Non, plus bas. C'était sur ce trottoir, j'en suis sûr. Non, sur l'autre. » Enfin, un autre policeman, F-22, alors qu'il arrivait dans le square du parc ouest, venant du nord, trébucha contre un corps gisant sur le trottoir, la tête contre la grille du square. Pendant ce temps, toute une petite foule était sortie de différentes maisons, anxieuse de savoir ce qui venait d'arriver. Le policeman dirigea la clarté de sa lanterne sourde sur la figure de la victime. « Il a été étranglé, » murmura-t-il à son camarade en désignant la langue sortie et enflée, les yeux presque sortis de leur orbite et injectés de sang, la couleur presque noire du visage barbu, qui avait nettement le type israélite. Un des spectateurs, qui moins sensible que les autres, s'approcha et regarda le cadavre, eut aussitôt une exclamation de surprise. « Mais c'est M. Cohen, du numéro 30 !» Ce nom, familier dans la rue, fit que 2 ou 3 personnes osèrent venir regarder, elles aussi, la figure convulsée de l'assassiné. « Aucun doute, c'est notre voisin, » déclara M. Allison, un jeune avocat qui habitait au numéro 31. « Que diable faisait-il dans ce brouillard, à pied et tout seul ?» demanda une autre personne. « Il rentre souvent tard. Il devait appartenir à quelque club où l'on joue. N'a-t-il pu trouver un cab pour le ramener ?» D'ailleurs, je ne sais pas grand-chose à son sujet, nous ne nous connaissons que de vue. Le pauvre homme, peut-être a-t-il été attaqué par des étrangleurs, qu'on me raconte qu'autrefois il y en avait, les nuits de brouillard. En tout cas, l'assassin, quel qu'il soit, voulait être sûr d'avoir tué son homme, ajouta l'agent F-18 en ramassant un objet sur le trottoir. Voici le revolver, 2 coups ont été tirés. Vous avez entendu les détonations, n'est-ce pas, messieurs? Oui, mais il ne semble pas avoir été atteint. Le pauvre homme n'avait été qu'étranglé. « Certainement, » déclara le jeune avocat, « c'est lui qui a tiré sur son assassin. » S'il a réussi à blesser le bandit, peut-être pourrait-on suivre sa trace. Dans ce brouillard, les chances ne seraient pas grandes. Bientôt, l'arrivée d'un inspecteur, d'un détective et d'un médecin mit fin à la discussion. On sonna au numéro 30 et les domestiques, quatre femmes, vinrent voir le corps. Avec des cris d'horreur et d'effroi, elles reconnurent leur maître, M. Aaron Cohen.